Et maintenant, c'est l'invité explosif. Alors, il participe avec nous depuis le début, c'est Aizan. Ça va toujours, Aizan? Ça va toujours, ouais. Alors, Aizan qui a énormément de points, je crois. Je dois en être à 8 ou 9. Oui, j'ai arrêté de compter à 8 après. Donc, Aizan est mythomane. Aizan est aussi humoriste et comédien. Tu es là pour nous parler de ton one-man show. Bienvenue chez toi, enfin. Bienvenue chez moi, ouais. Du coup. Exactement. Et qui se joue, dis-nous? Je vais reprendre à Paris en avril, tous les vendredis, samedis, au théâtre du Ricochet, dans le 15e. Et puis sinon j'ai des dates à droite à gauche, là je pars jouer à Lille, ouais à droite à gauche, ouais. En haut en bas aussi je vais à Lille, voilà, et j'ai un spectacle enfant aussi à côté, ouais. Un robot pas comme les autres que je démarre demain au théâtre du Ricochet aussi, tous les samedis, dimanches et tous les jours pendant les vacances de Pâques. Alors il se parle de quoi ce spectacle enfant? Eh ben écoute, c'est l'histoire d'un robot qui est très différent, exactement, qui est différent des autres. Et voilà, il est moitié robot, moitié humain, il a une barbe, et c'est un enfant robot, donc tout le monde se moque de lui sur sa planète et il vient sur Terre pour discuter avec les enfants et à la fin il s'assume comme il est et tous les enfants pleurent de bonheur et c'est vraiment quelque chose de poignant, quoi. T'as pu déjà le tester ce spectacle? Ouais, je l'ai joué pas mal à droite à gauche. Ah, je l'ai joué à droite à gauche. On y revient, Bien en bas. J'ai pu jouer déjà sur Paris et puis sur pas mal de dates en province. Et les enfants sont contents? Très contents, écoute, ça se passe bien. Bon, tant mieux. Et ton spectacle, c'est un tout nouveau, hein, Bienvenue chez moi. Voilà, ça fait 6 mois que je joue. Mais parce qu'avant, on te connaissait avec le spectacle Les Anges Australiens. Exactement. Et puis, là, je suis en train de. J'aime pas dire roder parce qu'en ce moment, tout le monde est en rodage avec son one man. Mais moi, ça y est, c'est rodé. Et voilà, à droite à gauche. À droite à gauche. Rendez-vous grande là-bas. Salle, rendez-vous là-bas. Et tu as eu le prix du public. Voilà, je viens de gagner le festival Nord de Rire, donc j'ai gagné le prix du jury. Bravo. Merci. Attention, faut savoir quand même que dans le jury, il y avait un mec qui travaillait chez Naruto. Il y avait une caissière d'Auchan. Il y avait le maire. J'ai gagné quand même. Mais bravo quand même. Ouais. Non, bravo. C'est donc dans les Hauts-de-France. C'est dans les Hauts-de-France. Ouais, les festivals d'humour, c'est assez exceptionnel. Moi, une fois dans le jury, il y avait un mec qui tenait une chocolaterie. Ah, mais c'est le public. C'est bien. Non, mais c'est cool. Bon, merci Aizan. Ben, merci à vous. Regarde Marcy, il a réussi dans le chocolat après, donc ça veut rien dire. Oui. Voilà. Cadeau. Merci, bon, on reviendra te voir. On reviendra. Avec plaisir. Voilà.